quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. Ouais, j'aime pas Jacques Brel parce qu'il bave et il chante mal. On a vu Jacques Brel à la télévision et puis je trouve qu'il chante bien, puis il sue à grosses gouttes, là. Alors, faut le faire quand même. Hein. Un pauvre cœur brisé sur le bord du fossé et qui bat la chamade. Je ne veux plus d'aubade, je ne veux plus rêver. Chantal, est-ce que tu aimes Alain Barrière, toi? Oui, j'aime bien Alain Barrière parce qu'il chante bien. Pour moi, je crois que ces chansons qu'il chante, on dirait un roman qu'il raconte, lui. Espagne, tu m'as donné la vie. Moi, j'aime bien Luis Mariano parce qu'il a une belle voix, puis il a des belles chansons. Amène-moi, emporte-moi, je veux mon roi, vivre ta loi. Moi j'aime bien Georges Guitari parce qu'il a un bel accent. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs et l'Italie. Tino Rossi chante bien parce que c'est un vieux chanteur, mais je l'aime bien. Et il a fait une très grande carrière. Moi, je l'aime pas. Oui, mais tu l'as pas connu aussi, alors c'est pas tellement intéressant. Puis maintenant, il est assez vieux, alors c'est un vieux jeu, c'est tout. Il ne peut pas se faire pousser les cheveux, tout ça. Moi, je préfère les jeunes chanteurs. Au moins, là, ils sont vigoureux. J'aime mieux les vieux chanteurs, parce qu'ils ont beaucoup de voix. Et puis, moi, je trouve qu'ils font des chansons moins idiote que celle comme Jacques Dutronc. Ouais, moi je trouve que les jeunes ils chantent bien, enfin ils chantent bien en façon de parler, même s'ils chantaient pas bien, ça, je m'en fiche, ça fait un genre, c'est à la mode. Moi j'aime bien les vieux chanteurs parce qu'ils sont lancés. Moi dans les chansons j'aime le rythme. Moi je préfère les paroles. Oui, parce que quand il y a le rint, on ne sait pas de quoi il s'agit, parce qu'on n'entend que le rint, et puis on n'entend pas les paroles. You, you're driving me crazy. What did I do? Whatever did I do? Moi, j'aime bien Frank Sinatra, même qui chante en anglais. Je trouve que ses chansons sont très bien. Moi, je n'aime pas les chanteurs anglais, parce que d'abord, ils ont les cheveux longs. Et puis alors on dirait qu'ils vont manger leur guitare, puis le micro. Moi j'aime bien les Beatles car ils ont tous une guitare, puis j'aime bien quand ils chantent en groupe. Maintenant, les chanteurs et chanteuses, ils font tout ce qu'il y a de lait. Par exemple, la chanteuse à pieds nus, là. Il y a les chanteurs, maintenant, ils veulent tous se suicider pour être dans le journal, en première page. Maintenant, les chanteurs, il leur faut des micros, parce que avant, ben, ils avaient une haute voix, tandis que maintenant, ben, il leur faut un micro qui résonne beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les chanteurs modernes. Ça dépend, parce qu'il y en a qui veulent pas trop cher, hein, des chanteurs. Hein. Moi, j'aime pas, mais encore. Les envois de 5 écoles situées dans des régions différentes vont nous permettre d'en apprendre davantage sujet par sujet. Quand, sur un même sujet, nous passons d'une école à une autre pour qu'on s'y retrouve, j'en dirai la localité. Mais d'abord, précisons de quelle localité, de quels enseignants et de quels écoliers il s'agit. Madame Noël Gloagen, Concarneau, enfant de 7 à 8 ans. Madame Anne-Marie Mireux, de Melun, enfant de 13 à 14 ans. Monsieur Marcel Daoust, de Romilly-sur-Seine, enfant de 13 à 15 ans. Monsieur Hervé Lebert de Saint-Aubin-d'Arquenay, Calvados, enfant de 10 à 14 ans. Et Monsieur Georges Madeleine, Bernières-sur-Mer, Calvados, enfant de 10 à 14 ans. Quant aux sujets traités par tous ces enfants, parfois ce sont à proprement parler des problèmes. Plus souvent, et d'abord, des cas individuels, avec toutes les confusions qui peuvent exister dans les esprits de cet âge. Par exemple, que les interprètes seraient nécessairement les auteurs de ce qu'ils chantent, ou bien que la chanson n'est plus de la chanson quand la qualité de la poésie y est sensible. Cas principaux, Antoine, considéré surtout sous l'angle de son évolution capillaire, Jacques Dutronc, avec mention répétée des cactus, du fait sans doute du coup de projecteur puissant autant qu'imprévu les ayant éclairés dernièrement, Sheila, appelée presque toujours, on se demande vraiment pourquoi, Sheila, et à propos de qui les mêmes questions de playback. Mireille Mathieu, souvent évoquée dans la perspective dite des nouvelles piafs. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Saint-Aubin. Maman, elle dit toujours qu'elle aime mieux Edith Piaf, mais c'est vrai parce qu'Edith Piaf, elle faisait des chansons elle-même, des chansons qui avaient du sens, parce que les autres, elles se contentent de chanter, et puis ni l'une ni l'autre, on la voit d'Edith Piaf. Moi, au début, Mireille Mathieu, je l'aimais bien par ses chansons et par sa voix, mais maintenant, je l'aime plus tellement parce que c'est... Au début, elle commence à presque pas se maquiller, et maintenant, elle se maquille de trop, alors ça déplaît aux gens, puis... Moi, j'aime toujours Mireille Mathieu. Je trouve qu'elle a une très belle voix et ses chansons sont très bien. Moi, je l'aime bien. Ça serait facile, par exemple, de faire des nouvelles piafs avec des bonnes imitatrices de voix. Ben, elle pourrait chanter n'importe quelle chanson avec la voix d'Edith Piaf. Puis, comme ça, elle se fera une fortune en moins de temps. Melun. Alors avec Georgette Lemaire, il y a eu quand même une dispute, mais je crois que Mireille Mathieu est beaucoup plus meilleure. Mireille Mathieu a des chansons très belles, comme « Qu'elle est belle ». Et je crois que Mireille Mathieu restera quand même assez longtemps sur scène, car vraiment, c'est une très bonne chanteuse. Remise sur scène. Je crois que Georgette Lemaire a plus la voix d'Edith Piaf que Mireille Mathieu. Georgette Lemaire essaye d'imiter Edith Piaf, tandis que Mireille Mathieu, c'est sa vraie voix. Mireille Mathieu, on la prend pour une bonne chanteuse, mais c'est parce qu'elle a été lancée. Mais si Georgette Lemaire avait été lancée pareil, je crois qu'elle aurait fait une meilleure carrière. Concarneau. J'aime pas Mireille Mathieu. Moi, je l'aime bien parce qu'elle n'est pas yéyé, elle n'a pas de mini-jupe, et puis elle est bien coiffée, et puis elle chante bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens, mais pourtant, c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens, mais pourtant, c'est une vie qu'on aime bien. Saint-Aubin d'Arquenay. Moi, j'aime Sheila parce que je trouve qu'elle a du style, et puis... Elle ne chante pas trop lentement et pas trop vite. Je trouve qu'elle a un certain talent. Et puis moi, je l'aime bien. Pour ma part, moi, j'aime pas Sheila. Quand elle chante, déjà, sa petite chanson de gamin, je trouve. Quand elle chante, elle ne peut jamais danser comme tout le monde. Il faut toujours qu'elle invente des danses. On dirait une vraie gamine, Sheila, parce que elle danse pas. Elle sautille, elle chante. Elle chante même pas. D'ailleurs, et puis, je l'aime pas. Bernière-sur-Mer. J'aime beaucoup Sheila parce que à chaque fois qu'elle a de nouvelles chansons, elles sont toujours très bien. Elle raconte dans ses chansons très bien sa vie. Moi, je sais pas, mais je l'aime beaucoup, Sheila. Le point de vue de Melun. Ma chanteuse préférée est Sheila, car quand elle monte sur scène, elle ne reste pas à se croiser les bras comme certains chanteurs et chanteuses. Elle est agitée, elle danse bien, elle a une belle voix. Ses musiques sont très entraînantes. Ce que j'aime aussi, c'est Claude François, parce qu'il est à peu près pareil que Sheila. Il ne peut pas rester sur place, il faut qu'il s'agite. Toutes ses chansons sont très bonnes. Claude François est assez grand, aimable, il a toujours le sourire. Et c'est mon chanteur préféré, puis ma chanteuse préférée, c'est Sheila. J'ai écrit à Sheila. Sheila, quand elle m'a rendu réponse, elle m'a bien rendu réponse un mois après, en me disant qu'elle n'avait pas tellement le temps à répondre, et puis il ne fallait pas être tellement en colère contre elle, parce qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Et puis, je l'ai écrit une deuxième fois, elle m'a envoyé une photo d'elle, et puis après, je l'ai réécrit une troisième fois, puis elle ne m'a plus jamais répondu. Est-ce qu'elle t'a répondu? C'était elle qui l'avait écrit ou c'était non, tapé à la machine? C'était tapé à la machine par un monsieur. Elle avait signé? Oui. Ça t'a fait plaisir de recevoir sa réponse? Oh oui, mais elle racontait pas tellement grand-chose. Elle racontait comment ça se passait dans son club et puis c'est tout. Et puis son âge. Tu as été déçue?

Parce que sinon, ils auraient plus rien sur les cuisses. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que les mini-jupes, c'est bien? Moi, je trouve que la mini-jupe, ça ne prend pas. Ça prend pas comme la robe au-dessus des genoux, comme ça. Oh, si, ça commence à prendre. De plus en plus de chanteuses, ils commencent à porter les mini-jupes, et puis les jeunes, comme ils veulent s'habiller comme les chanteuses, elles vont en porter aussi. C'est bien, les mini-jupes, c'est bien pour les jeunes filles qui ont de belles jambes, mais ceux qui n'en ont pas, là, comme les grosses mamères, s'ils n'en ont pas, ça leur donne rien de se mettre en mini-jupe. Ce que je ne comprends pas sur Françoise Hardy, lorsqu'elle est en ville, elle se promène en mini-jupe, lorsqu'elle est sur la scène, elle est en pantalon. Alors je ne sais pas pourquoi, soit qu'il faut qu'elle prenne le pantalon ou la mini-jupe, c'est un des deux. Elle doit sans doute savoir que ça ne lui va pas. Moi j'aime bien les mini-jupes, mais je trouve qu'il faut avoir un certain âge pour en porter. Pour porter une mini-jupe, moi je trouve qu'on doit avoir 16 ans, 18 ans, mais les dames qui ont 41 ans et qui entrent dans les magasins pour en acheter, eh bien je trouve que c'est horrible. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour porter les mini-jupes. S'ils se font moquer d'eux, c'est tant pis pour eux, ils doivent bien savoir ce qu'ils ont à faire. C'est comme François Hardy, les mini-jupes, ça c'est vrai, mais elle est un peu trop grande. Il faut être de petite taille. Mais si j'étais président de la République, je les interdirais jusqu'à à partir d'un certain âge. Mais pourquoi tu les interdirais? C'est la mode, pas besoin de les interdire. Le président de la République n'a rien à voir dans la mode d'abord. Hein. Et puis même si ça plaît une dame qui veut se mettre en mini-jupe, c'est la mode. Elle dit, tiens, je suis un peu vieille, mais enfin, faut bien que j'en profite quand même, voir comment c'est la mode. Voilà, si elle veut se mettre en mini-jupe, elle est libre. Il y a la question des badges aussi. Je trouve que les badges, c'est bête, parce qu'ils marquent toutes sortes de choses dessus. Il y a la fille, hein, monsieur le vieux, elle en porte, elle en a deux au col, et puis il y en a partout. Il y en a que c'est marqué « Vive la liberté sexuelle ». C'est quoi des badges? C'est des sortes de médailles ou qui est marqué plein de sottises dessus, mettons j'aime Johnny Hallyday, des bêtises quoi. J'aime Johnny Hallyday, c'est pas des sottises que c'est marqué, parce que Johnny Hallyday c'est un chanteur. Ouais, mais pour certains, ceux qui n'aiment pas Johnny Hallyday, pour eux c'est des sottises. Non, je sais pas que ça peut servir, ces trucs-là c'est encore un petit peu pour nous ridiculiser davantage quoi. Pour en revenir à la chanson, qu'est-ce qui compte le plus? Point de vue de Romy. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une chanson soit intéressante? Il faut qu'elle soit déjà beaucoup connue. Il faut qu'il y ait un peu de fantaisie dedans. Il faut qu'on comprenne les paroles. Et qu'est-ce que vous pensez du chanteur qui a besoin d'un micro? Je trouve que c'est pas un chanteur. Marcel Amont n'a pas de micro. Et moi, je l'aime bien, Marcel Amont. Il a des chansons pour les petits. Marcel Amont chante sans micro, mais c'est souvent en playback qu'il chante. Question C. Ça se voit parce que souvent les paroles ne sont pas avec le mouvement de ses lèvres. Moi je trouve que la championne du playback c'est Sheila. Quand elle fait ses mouvements, ça m'étonnerait qu'elle puisse chanter. Et qu'est-ce que vous pensez d'un chanteur qui gesticule devant le micro? Vous aimez ça? Moi je n'aime pas du tout. Il a l'air d'un ver de terre qui danse sur la scène comme il y en a autant de Johnny Hallyday qui faisait son fou à s'allonger par terre en dansant avec le micro. Je trouve que c'est pas intelligent pour les chanteurs. Il faudrait qu'ils chantent normalement, sans faire des excentricités. Oui, mais ces gestes-là, ça plaît au public. À certains publics, mais pas à moi. Mais quel public? Public des jeunes, des jeunes entre 16 et 20 ans. Est-ce que vous serez dans quelques années? Peut-être. Moi, je n'aime pas Claude François, parce que c'est une vraie sauterelle devant le micro. Le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note avec un blason à la clé. Mon la se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Saint-Aubin. Je voudrais bien savoir ce que tu trouves aux chanteurs, à Georges Brassens, à Jacques Brel de bien. C'est des chansons poétiques, les yéyés, ça chauffe comme on dit. Et les chansons poétiques, ça nous repose. Quand vous serez vieux, ben les Antoine et compagnie, ben pour vous ça chauffera trop, puis on aimera mieux les chansons douces. Quand on sera vieux, ils n'existeront plus ces chansons-là, tu sais, ce sera une autre mode. Puis pas quand on veut danser, c'est pas avec les chansons de Georges Brassens qu'on peut danser. Là, je me défends. Sur une chanson de Georges Brassens, eh ben, on peut danser la valse. Des chansons, des danses anciennes. La valse, c'est plus à la mode. Hein. Y a quelques gens qui la pratiquent encore aussi. Oui, mais puis les jeunes. Les gens qui la pratiquent, c'est parce qu'ils sont, ils sont vieux, ils sont démodés, quoi. Georges Brassens, il appuie sur le tabouret, sa guitare, puis tout doucement, ça dure 1 minute 30, c'est un peu long. Ah ouais, mais quand même, Georges Brassens, y a des fois la salle est remplie d'admirateurs, alors pourquoi toi tu n'aimes... Il y a aussi des jeunes qui admirent Georges Brassens. D'accord qu'il y en a beaucoup de jeunes qui aiment Georges Brassens, mais ils sont déjà plus vieux que nous. Alors peut-être que qu'en grandissant, qu'on les aimera aussi, nous. Ça dépend, quoi. Enfin, chacun ses goûts. Ouais. Pourquoi t'aimes Jacques Brel? Jacques Brel, c'est pas de la musique lente, au contraire. Ah ben, il y a quand même un petit peu de poésie dans ses chansons, Ça m'attire. Alors j'aime bien ça. T'aimes pas plutôt ça parce que toujours parce que tes parents ou Monsieur Lebert l'aiment bien parce qu'ils disent qu'ils ont du sens. Alors tu veux faire un petit peu comme eux? Non, pas du tout. Je les aime bien, c'est tout. Tu ferais pas pour essayer de nous contredire, non, parfois? Non. Romilly. Je trouve qu'il a des bonnes chansons. C'est rare de trouver un chanteur qui chante des chansons en poème. Mais Tino Rossi, il a une plus belle voix que Georges Brassens. De là, c'était fatal. On devait partout arriver à la querelle des anciens et des modernes pour en venir finalement aux vraies questions fondamentales. Et c'est alors surtout qu'il convient d'écouter les enfants. Romilly. Si vous aviez un choix à faire entre les chanteurs, lesquels préféreriez-vous, les jeunes ou les anciens? Les anciens? Les jeunes? Certains jeunes. Ceux qui sont dans la moyenne d'âge. J'aimerais les anciens comme Georges Guettari, comme Georges Brassens, puis certains jeunes comme Jacques Dutronc ou Claude François. Où préférez-vous les entendre? Moi, je préfère les entendre et les voir à la télévision, car on voit comment ils chantent, on voit si c'est du playback. Je préfère les entendre à la radio, parce qu'il y a des fois où ils sont affreux. J'aime bien les entendre à la radio, parce que maintenant, je les vois dans mon idée, à force de les voir à la télé. Moi, j'aime mieux les entendre à la radio, parce qu'il y a des fois, on fermerait mieux le poste. Je trouve que Sandy Shaw est bête de chanter les pieds nus, elle peut attraper froid. Même si elle chante nu-pieds, c'est parce qu'elle a mal à se chausser. Oui, mais quand on n'a pas des beaux pieds, quand on a des pieds qui sont moches comme elle, on les montre pas. Justement, c'est parce qu'elle peut pas trouver de chaussures qui aillent à ses pieds. Elle a de l'argent pour s'en faire faire sur mesure. La chanteuse que j'aime bien aussi, c'est Nana Mouskouri, dans ses nouvelles chansons. C'est la seule chanteuse avec des lunettes et je trouve qu'elle est jolie avec ses lunettes. Ce que je trouve d'être dans toutes les chanteuses, c'est qu'elles se font un grain de beauté. Elle serait mieux sans ça. Ce que je trouve de bête aussi, c'est qu'il y en a qui chantent des chansons très dans le vent et puis qui sont en tenue de grandes soirées. Et il y en a qui chantent comme Mireille Mathieu, qui chante des chansons assez tristes, qui est assez en mini-jupe, souvent. La vie des enfants de Bernière. Moi, j'aime pas les chansons parce qu'il y a des chanteurs, ils chantent pas, ils parlent, ou alors ils crient. Comme Lino Ferrer, ses chansons n'ont pas de sens. Et alors, quand il veut chanter une chanson, il les chante en criant. Alors moi, ça ne va pas. J'aime pas Johnny Hallyday parce que quand il chante, il sue tout le temps et il crie, alors je l'aime pas beaucoup. Et alors, vous qui avez toutes et tous ici, environ, disons, entre 8 et 10 ans, vous ne semblez pas aimer les yéyés. Pourquoi? Chantal. Moi, j'aime pas beaucoup les yéyés parce qu'ils se déchaînent de trop. Sur l'écran, c'est pas très bien. Parce qu'il y en a, qui aiment bien ça, mais d'autres, elles sont désintéressées complètement. Moi, il n'y a qu'un seul yéyé que j'aime pas, c'est Johnny Hallyday, parce qu'il écrit beaucoup trop. Il a des chansons trop... Je sais pas moi comment dire, mais il crie vraiment trop. Et les autres? Les autres, ben eux, je les aime bien parce qu'ils ont une... ils n'abusent pas, ils crient pas trop, ils prennent leur voix normale. D'autres avis sur le yéyé, Marcel? Johnny Hallyday, c'est pas bien lorsqu'il chante parce qu'il est toujours en train de se rouler par terre ou alors il se met à genoux. Alors qu'est-ce qui te gêne dans ces positions? Oh, parce que ça fait pas bien, il se roule par terre. Dominique. Et quand il y a des chanteurs yéyé qui arrivent sur la scène, il y a les filles, les jeunes filles à mini-jupe, elles crient toujours et elles s'évanouissent. Moi, j'aime pas les yéyés parce que c'est pas tellement de notre âge. Faut au moins avoir 15 ou 16 ans pour aimer les yéyés. Moi, je suis pas d'accord à ce qu'elle vient de dire. Elle dit que plus tard, elle aimerait peut-être bien ça. Moi, je trouve pas, moi. Moi, ce que j'aime pas, moi, c'est les yéyés. J'aimerais toujours pas ça. Chantal. Maurice Chevalier, par exemple, maintenant, on le voit presque plus. Mais moi, je l'aimais assez bien. Alors, tu regrettes de ne plus le voir? Oh, oui, quand même. Pourquoi? Parce que il chantait des chansons assez bien. Et il ne se déchaînait pas comme certains chanteurs maintenant. Moi, j'aime bien Charles Trenet. Comme à son dernier palmarès, quand il chante, il est... Il chante bien, puis il a toujours des chansons gaies. Il n'a jamais des chansons tristes ou alors des chansons vraiment qu'on se dépense de trop. Moi, j'aime mieux Tino Rossi parce que je trouve que Tino Rossi chante bien. Et puis maintenant, on ne le voit plus beaucoup. Qu'est-ce que tu aimais dans Tino Rossi? Ses chansons, parce qu'il ne parlait pas, il chantait. Alors c'est sa voix alors? Oui, et on comprenait ses chansons. Voyant comme le yéyé, on comprend rien. Il s'excite, on comprend rien. Le point de vue de Concarneau. Moi je trouve qu'il y a des chanteurs qui veulent faire un peu leur malin, qui mettent un gros ceinturon, un pantalon à velours, puis une chemise à fleurs. Mais moi, ça m'impressionne pas. Ça doit être pas facile pour eux. Par exemple, Sylvie Vartan, elle a un petit enfant, alors elle va chanter des fois le soir et il reste tout seul. Son mari peut-être est obligé de rester pendant qu'elle, elle va chanter, alors c'est pas intéressant. Mais les chanteurs, c'est des gens comme les autres, mais seulement le soir, pour passer leur soirée, ils vont chanter. Moi, j'aimerais pas être tellement un chanteur. On irait dans la rue, tout le monde, il resterait me regarder. Et puis, de toute façon, Sylvie Vartan, elle doit avoir quelqu'un pour garder son petit garçon, David. Et puis, s'ils font ça, je crois pas que c'est pour passer leur soirée, c'est aussi pour gagner un peu leur vie. Tu dis pour gagner un peu leur vie, mais à chaque soirée, ils gagnent au moins des millions. Antoine, il a acheté une voiture. C'est pas une voiture comme tous les autres dans sa voiture. Il y a télévision, couchette, armoire. Il a un chauffeur dedans. Qu'en penses-tu, Jackie? Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'une voiture comme ça. Elle a dû coûter cher cette voiture, là. Un chauffeur en plus de ça encore. C'est mieux pour lui parce que quand il a chanté, il peut aller un petit peu dormir en attendant que se reçoit son tour. Puis après, il revient, comme ça il est moins fatigué. Moi, je trouve d'un côté que c'est un peu normal qu'il gagne beaucoup d'argent. Parce qu'un jour, il y avait eu beaucoup de gens dans la classe, j'avais été lire mon texte, puis j'étais en train de transpirer. Alors, sur les chanteurs sur la scène... ça doit être pareil. Mais eux, ils risquent pas leur vie, mais tandis que les pêcheurs qui sont toute l'année dans leur bateau et qui gagnent même pas 1 million en une année, et eux, en un jour, peut-être ils gagnent peut-être plus d'un million, alors je trouve que c'est pas juste. Les chanteurs voyagent beaucoup, alors ça, les enfants, ils doivent pas avoir tellement souvent leur père et leur mère. Mais c'est pas pareil, eux, ils ont des sous, ils ont tout ce qu'ils veulent pour s'amuser pendant que leurs parents sont pas là, tandis que nous, on voudrait un vélo, on n'en aurait pas. Alors, que pensez-vous de ça? Que préférez-vous? Je préfère avoir mes parents quand même. Moi, si j'étais un chanteur, je serais pas, par exemple... Oui, comme Alain Barrière. Je chercherai plutôt un groupe. Et puis, d'abord, j'apprendrai l'anglais. Puis après, je chercherai un groupe qui chante trois ou quatre hommes qui chantent anglais un peu. Et puis après, on ferait un peu comme les Beatles. Les chanteurs ont une vie fatigante, surtout les jeunes, parce qu'ils sautent et puis ils crient. Et le soir, en arrivant, sûrement qu'ils ont mal à la tête. Et puis ils vont sans doute se coucher tout de suite. C'est de leur faute, s'ils ont mal à la tête, ils n'ont pas qu'à crier. Moi, j'aime bien ceux qui sont simples, sauf que quelquefois, j'aime bien voir les yéyés. Et je les imite, je mets mes cheveux devant, puis comme j'aime devant mes yeux, et comme j'ai un petit piano, je joue. Oh, yeah. Vous venez d'entendre longuement les enfants, je suis sûr que vous ne le regrettez pas. Ils vous ont certainement beaucoup apporté. Maintenant, il serait intéressant aussi que vous entendiez les enseignants, et notamment deux de ceux dont vous avez entendu à l'instant les enregistrements, Madame Anne-Marie Mireux, qui est institutrice au Collège d'enseignement secondaire de Melun, et Monsieur Georges Madeleine, instituteur à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados. Ils ne sont pas là par hasard tous les deux. Ils furent parmi les principaux lauréats du concours d'enregistrement sonore à caractère pédagogique de l'année dernière. Il m'a semblé intéressant, au moment où il s'agit de stimuler les futurs concurrents, de leur demander leur témoignage. Et madame et monsieur, tout naturellement, je crois qu'il faut d'abord parler de ces débats. Vous les avez donc enregistrés, vous, parmi d'autres. Quel en était le climat? Dans ma classe, ça s'est passé sans aucune difficulté, parce que en classe de transition, les enfants sont habitués depuis le début de l'année à s'extérioriser, à donner leur opinion, à discuter entre eux. On les entraîne à cela, et c'est souvent qu'il y a des débats entre eux sur des sujets très variés. Je leur ai proposé le sujet de la chanson. Ça ne les a ni étonnés ni gênés, et ceux qui avaient quelque chose à dire ont levé le doigt et sont venus très naturellement devant le micro raconter devant leurs camarades ce qui leur plaisait, ce qui leur déplaisait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont écouter l'émission ou bien maintenant, ça y est, c'est passé, ça les laisse indifférents? Certains m'ont dit qu'ils veilleraient ou qu'ils emporteraient le transistor à côté de leur lit pour être sûrs de pouvoir entendre leur voix à la radio. Je crois que c'est ça qui les intéresse, entendre la voix à la radio. Oui, oui. Georges Madeleine. Bien, pour ma part, c'est un peu différent. Les enfants que j'avais l'an dernier avaient déjà enregistré une bande sur les chanteurs et la mode. Je les ai réunis de nouveau cette année en leur demandant de bien vouloir me dire ce qu'ils en pensaient un an après. Et la discussion s'est engagée très vite et sans difficulté. Ces débats, c'est une des formes de l'utilisation du magnétophone à l'école. Mais il y en a beaucoup d'autres. Personnellement, j'ai fait quelques expériences intéressantes, pour moi surtout, avec des élèves qui avaient des cas particuliers. Ça nous arrive en classe de transition, justement, nous n'avons pratiquement que des cas. J'ai eu, par exemple, un enfant qui ne pouvait absolument pas parler. Il y avait une sorte de blocage musculaire. Il était impossible de répondre seulement « oui, madame », de réciter, de lire. Il voulait le faire, mais il y avait un blocage, il ne pouvait pas. Et un jour, il aurait bien voulu réciter sa récitation, il n'a pas pu la réciter. Et pendant la récréation, il a demandé de lui-même à l'enregistrer au magnétophone. Et quand on est rentré, il nous a autorisé, on lui a demandé la permission, il nous a autorisé à l'écouter. C'était une voix toute tremblée qui sortait avec beaucoup de difficultés, mais enfin, la récitation était là. Alors ses camarades l'ont beaucoup encouragé, et depuis ce jour-là, on a eu des progrès. Il parle un peu plus. Ça, c'est un cas qui est très particulier. Mais au point de vue travail scolaire, j'ai utilisé le magnétophone pour beaucoup de travaux. Quand on fait des enquêtes en liaison avec un thème, on emporte le magnétophone et on enregistre. Le dernier enregistrement a été, par exemple, à l'office d'HLM. Nous sommes allés nous renseigner à l'office d'HLM pour répondre à des correspondants camerounais qui nous demandaient si nous avions, dans ce quartier neuf de Melun, comme chez eux, des cases couvertes de raffia. C'est-à-dire que dans certains cas, l'enregistrement permet d'atteindre simultanément deux buts. D'une part, de donner une forme concrète et durable à l'étude du milieu et de correspondre avec d'autres écoles lointaines. C'est ça, oui. En ce moment, nous avons en train un montage fait uniquement par les enfants sur le sujet province, cité du Moyen-Âge. J'ai pris moi-même des séries de photos. Les enfants ont étudié la question avec bibliothèque de travail, livre d'histoire, se sont fait un plan et d'eux-mêmes, ils enregistrent ce qu'ils lisent. Mais enfin, c'est une lecture très expressive puisque ça va passer au magnétophone en même temps qu'on va projeter les photos. C'est ça. Quand vous disiez montage, vous vouliez dire montage photographique montage sonorisé, photographique, oui. Qui est une des nouvelles applications du magnétophone en général et à l'école en particulier, et aussi qu'on retrouve désormais dans le concours organisé par l'IPN. Georges Madeleine, est-ce que vos expériences sont à peu près les mêmes que celles de Mme Mireux ou différentes? D'une part, elles sont les mêmes, mais d'autre part, une des motivations du magnétophone est la correspondance sonore nationale et internationale. Alors, cette année, grâce au groupe Freinet, j'ai des correspondants à Rueil-Malmaison d'une part et aussi au Canada. Et nous échangeons tout ce qui est enregistré avec ces correspondants. L'enfant se sert de magnétophone lorsqu'il en sent le besoin pour correspondre avec son ami ou la classe lointaine. En particulier, le chant libre est très développé. Il y a 2 ans, à l'occasion d'une classe de neige, vous avez eu l'occasion d'entendre un triptyque d'un enfant retardé qui s'exprimait par le chant libre. Je me rappelle, nous l'avons diffusé avec un réel intérêt parce qu'on sentait l'évolution de la mentalité d'un enfant par le magnétophone, grâce au magnétophone. Tout à l'heure, Mme Mireux parlait d'un cas extrême, évidemment, d'un cas particulier, mais finalement, si on additionne tous les cas d'espèce, j'ai l'impression que le magnétophone est vraiment très positif d'une manière générale. Et alors, dans cet ordre d'idées, cette année, à la suite du dernier stage technique sonore de l'Institut coopératif de l'École moderne Freinet, j'ai laissé les enfants s'exprimer librement en théâtre libre. Ils m'ont demandé à enregistrer ces scénettes pour les réentendre et les adresser aux correspondants. Et j'ai eu la surprise, à 2 occasions cette année, d'avoir de véritables psychodrames. Des enfants qui ne nous avaient jamais raconté leurs problèmes les ont exprimés face à d'autres enfants librement. Quelles sont, en bref, vos autres applications? Application, c'est l'enquête dans la campagne avec un portatif, l'interview de l'artisan, du vieil artisan en particulier. C'est la venue dans la classe de personnalités. Par exemple, nous avons enregistré cette année, il y a 8 jours, un steward de l'UTA qui a de la famille et qui a bien voulu répondre aux enfants sur ses voyages, l'aviation, les pays lointains. Mais alors cette année, également, j'ai voulu que le magnétophone soit au service de l'enfant et non pas du maître. Si bien que maintenant l'enfant s'enregistre, enfin les enfants, par équipe de 2, font le montage entièrement seuls dans une pièce à part. Ils choisissent les séquences qu'ils garderont, ils coupent, ils collent, ils font tout le travail que je faisais jusqu'ici. Puis ils viennent le soumettre à la classe, qui juge, qui tranche et qui le renvoie quelquefois à l'atelier magnétophone. Je crois que vous avez fait le tour des principales applications possibles, purement pédagogiques ou formatrices ou de libération pour l'enfant, du magnétophone utilisé à l'école. Et pourtant, vous n'avez pas encore tout dit. Et je vais vous en donner la preuve immédiate, car je voudrais joindre à votre témoignage celui de M. Marcel Daoust, directeur d'école à Romilly-sur-Seine, qui aurait, je pense, aimé être des nôtres ce soir, qui n'a pas pu venir à notre studio, mais qui a tenu, c'est la moindre des choses quand on a un magnétophone, à se manifester par la bande magnétique. Et vous allez l'entendre, vous allez constater que tout récemment, lui qui est déjà, on peut le dire, un vieil habitué du magnétophone, tout récemment, il en a encore fait une autre application, et vous allez l'entendre raconter comment le magnétophone lui a permis de faire d'une manière particulièrement vivante et concrète son cours d'éducation civique. Et l'on est arrivé, au cours de la dernière campagne électorale pour les élections législatives, à faire venir 2 candidats députés dans notre classe pour les soumettre à la question. L'enquête nous conduisit ensuite auprès d'un maire afin de connaître les conditions requises pour être électeur, pour être éligible. Et cela nous amena un dimanche matin au bureau numéro 5 installé dans une salle de notre école. Montage rapide et la leçon d'instruction civique du samedi suivant était faite. Sans oublier quelques leçons de vocabulaire, motivés par cette enquête, il ne faut pas hésiter à couper dans la bande. Au début, cela fait mal au cœur. On tient à l'unité de son œuvre. On pense que chaque mot a sa valeur et sa place. Pour comprendre la valeur du montage, demandez à un collègue averti de supprimer tout ce qui est superflu dans votre bande. Ou faites vous-même le travail sur la bande d'un autre. Alors, avec sa permission, vous serez un censeur sévère. Vous ne retiendrez, vous qui n'avez pas participé à l'enquête ou au reportage, vous qui n'avez pas vécu la scène, vous ne retiendrez que ce qui vous frappe, ce qui vous intéresse. Et nos enfants le comprennent fort vite, eux qui savent bien critiquer leurs correspondants. Votre bande est trop longue, vos questions mal posées. On accepte difficilement. Personnellement, j'ai mis assez longtemps à accepter ces coupures, ces réductions. Le magnétophone est l'instrument qui permet de fixer les moments de vie intense de la classe et qu'on peut utiliser en toutes circonstances. C'est un moyen de libération de l'enfant, surtout si vous laissez celui-ci seul en face du micro. Vous découvrirez vos élèves et tels qui semblent loin de la vie de la classe s'y intégrera un jour parce que nous lui avons donné le moyen de s'exprimer ou qu'il aura trouvé quelqu'un, un correspondant pour l'écouter. Merci Monsieur Marcel Daoust pour ce témoignage et merci aussi de tout ce que vous avez dit sur le montage nécessaire. Je pense que vos conseils auront été retenus par ceux qui se préparent à participer pour cette année au nouveau concours d'enregistrement sonore à caractère pédagogique organisé par l'Institut pédagogique national. La clôture en approche. Notre émission a eu lieu ce soir. Pourquoi ? Parce que cette clôture aura lieu très exactement dans un mois et un jour, le 15 juin. Et vous savez, un mois et un jour, quand il s'agit de faire des enregistrements et précisément du montage, ça passe très vite. Alors, que les retardataires se pressent, s'ils n'ont pas encore le règlement, qu'ils s'empressent de le demander. C'est à la même adresse que celle où ils devront envoyer le 15 juin ou plus tard leur participation. Je rappelle cette adresse, Institut Pédagogique National, 29 rue d'Ulm, Paris 5e. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1967.